treillis d'un pur métal, savamment constellés de rimes de cristal, je ferai pour ta tête une énorme couronne. Et dans ma jalousie, ô mortelle Madone, je saurai te tailler un manteau, de façon barbare, roi des lourds, et doublé de soupçons, qui, comme une guérite, enfermera tes charmes, non de perles brodées, mais de toutes mes larmes. Ta robe, ce sera mon désir, frémissant, onduleux, mon désir qui monte et qui descend, aux pointes se balance, aux vallons se repose, et revêt d'un baiser tout ton corps blanc et rose. Je te ferai de mon respect de beaux souliers de satin, par tes pieds divins humiliés, qui, les emprisonnant dans une molle étreinte, comme un moule fidèle en garderont l'empreinte. Si je ne puis, malgré tout mon art diligent, pour marchepied tailler une lune d'argent, je mettrai le serpent qui me mord les entrailles sous tes talons, afin que tu foules et railles, reine victorieuse et féconde en rachat, ce monstre tout gonflé de haine et de crachat. Tu verras mes pensées, rangées comme les cierges devant l'autel fleuri de la reine des vierges, étoilant de reflets le plafond peint en bleu, te regarder toujours avec des yeux de feu, et comme tout en moi te chérit et t'admire, tout se fera benjoin, encens, oliban, myrrhe, et sans cesse vers toi, sommet blanc et neigeux, en vapeur montera mon esprit orageux. Enfin, pour compléter ton rôle de mari, et pour mêler l'amour avec la barbarie, volupté noire, des sept péchés capitaux, bourreaux pleins de remords, je ferai sept couteaux bien affilés. Et comme un jongleur insensible, prenant le plus profond de ton amour pour cible, je les planterai tous dans ton cœur pantelant, dans ton cœur sanglotant, dans ton cœur ruisselant. 61 Chanson d'après-midi. Quoique tes sourcils méchants te donnent un air étrange, qui n'est pas celui d'un ange, sorcière aux yeux alléchants, je t'adore, ô ma frivole, ma terrible passion, avec la dévotion du prêtre pour son idole. Le désert et la forêt embaument tes tresses rudes, ta tête a les attitudes de l'énigme et du secret. Sur ta chair, le parfum rôde comme autour d'un encensoir, tu charmes comme le soir, nymphe ténébreuse et chaude. Ah, les philtres les plus forts ne valent pas ta paresse, et tu connais la caresse qui fait revivre les morts. Tes hanches sont amoureuses de ton dos et de tes seins, et tu ravis les coussins par tes poses langoureuses. Quelquefois, pour apaiser ta rage mystérieuse, tu prodigues, sérieuse, la morsure et le baiser. Tu me déchires, ma brune, avec un rire moqueur, et puis tu mets sur mon cœur ton œil doux comme la lune. Sous tes souliers de satin, sous tes charmants pieds de soie, moi, je mets ma grande joie, mon génie et mon destin, mon âme, par toi guérie, par toi lumière et couleur, explosion de chaleur dans ma noire Sibérie. 62 Cisina. Imaginez Diane, en galant équipage, parcourant les forêts ou battant les halliers, cheveux et gorge au vent, s'énivrant de tapage, superbe, et défiant les meilleurs cavaliers. Avez-vous vu Théroigne, amante du carnage, excitant à l'assaut un peuple sans souliers, la joue et l'œil en feu, jouant son personnage, et montant sabre au poing, les royaux escaliers, telle la Cisina. Mais la douce guerrière à l'âme charitable autant que meurtrière, son courage, affolé de poudre et de tambour, devant les suppliants sait mettre bas les armes, et son cœur ravagé par la flamme a toujours, pour qui s'en montre digne, un réservoir de larmes. 63. À une dame créole. Au pays parfumé que le soleil caresse, j'ai connu, sous un dais d'arbres tout empourprés et de palmiers d'où pleut sur les yeux la paresse, une dame créole aux charmes ignorés. Son teint est pâle et chaud, la brune enchanteresse a dans le cou des airs noblement maniérés, grande et svelte,

Tu compterais dans tes lits plus de baisers que de lys, et rangerais sous tes lois plus d'un Valois. Cependant, tu vas gueusant quelques vieux débris gisant au seuil de quelques véfours de carrefour. Tu vas lorgnant en dessous des bijoux de 29 sous dont je ne puis, ô pardon, te faire don. Va donc, sans autre ornement, parfum, perle, diamant, que ta maigre nudité, ô ma beauté. 91. Le cygne. À Victor Hugo. 1. Andromaque, je pense à vous. Ce petit fleuve, pauvre et triste miroir où jadis resplendit l'immense majesté de vos douleurs de veuve, ce Simoïs menteur qui par vos pleurs grandit, a fécondé soudain ma mémoire fertile comme je traversais le nouveau carrousel. Le vieux Paris n'est plus. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Je ne vois qu'en esprit tout ce camp de baraques, ces tas de chapiteaux ébauchés et de fûts, les herbes, les gros blocs verdis par l'eau des flaques et brillant au carreau le bric-à-brac confus. Là s'étalait jadis une ménagerie. Là je vis un matin, à l'heure où sous les cieux clairs et froids le travail s'éveille, où la voirie pousse un sombre ouragan dans l'air silencieux, un cygne qui s'était évadé de sa cage et de ses pieds palmés frottant le pavé sec sur le sol raboteux traînait son blanc plumage. Près d'un ruisseau sans eau, la bête ouvrant le bec baignait nerveusement ses ailes dans la poudre et disait, le cœur plein de son beau lac natal, « Oh, quand donc pleuvras-tu? Quand tonneras-tu, foudre ?» Je vois ce malheureux, mythe étrange et fatal, vers le ciel quelquefois, comme l'homme d'Ovide, vers le ciel ironique et cruellement bleu, sur son cou convulsif tendant sa tête avide, comme s'il adressait des reproches à Dieu. 2. Paris change, mais rien dans ma mélancolie n'a bougé. Palais neuf, échafaudage, bloc vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie, et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. Aussi devant ce Louvre, une image m'opprime, je pense à vous, grand cygne, avec ces gestes fous comme les exilés ridicules et sublimes, et rongés d'un désir sans trêve. Et puis à vous, Andromaque, des bras d'un grand époux tombé, vil bétail sous la main du superbe Pyrrhus, auprès d'un tombeau vide en extase courbée, veuve d'Hector, hélas, et femme d'Hélénus. Je pense à la négresse, amaigrie et phtisique, piétinant dans la boue, et cherchant l'œil hagard les cocotiers absents de la superbe Afrique derrière la muraille immense du brouillard. À quiconque a perdu ce qui ne se retrouve jamais, jamais, à ceux qui s'abreuvent de pleurs et têtent la douleur comme une bonne louve, aux maigres orphelins séchant comme des fleurs. Ainsi, dans la forêt où mon esprit s'exile, un vieux souvenir sonne à plein souffle du corps. Je pense aux matelots oubliés dans une île, aux captifs, aux vaincus, à bien d'autres encore. 92. Les sept vieillards. À Victor Hugo. Fourmillante cité, cité pleine de rêves, où le spectre en plein jour raccroche le passant. Les mystères partout coulent comme des sèves dans les canaux étroits du colosse puissant. Un matin, cependant que dans la triste rue, les maisons dont la brume allongeait la hauteur simulaient les deux quais d'une rivière accrue, et que, décor semblable à l'âme de l'acteur, un brouillard sale et jaune inondait tout l'espace, je suivais, roidissant mes nerfs comme un héros, et discutant avec mon âme déjà lasse, le faubourg secoué par les lourds tombereaux. Tout à coup, un vieillard dont les guenilles jaunes imitait la couleur de ce ciel pluvieux et dont l'aspect aurait fait pleuvoir les aumônes sans la méchanceté qui luisait dans ses yeux, m'apparut. On eût dit sa prunelle trempée dans le fiel, son regard aiguisait les frimas et sa barbe à longs poils, roide comme une épée, se projetait, pareille à celle de Judas. Il n'était pas voûté, mais cassé, son échine faisant avec sa jambe un parfait angle droit, si bien que son bâton, parachevant sa mine, lui donnait la tournure et le pas maladroit d'un quadrupède infirme ou d'un juif à trois pattes. Dans la neige et la boue, il allait s'empêtrant, comme s'il écrasait des morts sous ses savates, hostile à l'univers plutôt qu'indifférent. Son pareil le suivait, barbe, œil, dos, bâton, loque. Nul trait ne distinguait du même enfer venu ce jumeau centenaire, et ses spectres baroques marchaient du même pas vers un but inconnu. À quel complot infâme étais-je donc en but, ou quel méchant hasard ainsi m'humiliait? Car je comptais sept fois, de minute en minute, ce sinistre vieillard qui se multipliait. Que celui-là qui rit de mon inquiétude et qui n'est pas saisi d'un frisson fraternel songe bien que malgré tant de décrépitude, ces sept monstres hideux avaient l'air éternel. Aurais-je, sans mourir, contemplé le huitième, sosie inexorable, ironique et fatal, dégoûtant phénix, fils et père de lui-même? Mais je tournais le dos au cortège infernal. Exaspéré comme un ivrogne qui voit double, je rentrais, je fermais ma porte, épouvanté, malade et morfondu, l'esprit fiévreux et trouble, blessé par le mystère et par l'absurdité. Vainement ma raison voulait prendre la barre, la tempête en jouant déroutait ses efforts, et mon âme dansait, dansait, vieille gabarre sans mât, sur une mer monstrueuse et sans bord. 93. Les petites vieilles. À Victor Hugo. Dans les plis sinueux des vieilles capitales, où tout, même l'horreur, tourne aux enchantements, je guette, obéissant à mes humeurs fatales, des êtres singuliers, décrépits et charmants. Ces monstres disloqués furent jadis des femmes, Éponine ou Laïs, monstres brisés, bossus ou tordus, et mon lait. Ce sont encore des âmes sous des jupons troués et sous de froids tissus. Ils rampent, flagellés par les bises iniques, frémissant au fracas roulant des omnibus, et serrant sur leurs flancs ainsi que des reliques un petit sac brodé de fleurs ou de rébus. Ils trottent, tout pareils à des marionnettes, se traînent comme font les animaux blessés, ou dansent sans vouloir danser, pauvres sonnettes, où se pend un démon sans pitié. Tout cassés qu'ils sont, ils ont des yeux perçants comme une vrille, luisants comme ces trous où l'eau dort dans la nuit. Ils ont les yeux divins de la petite fille qui s'étonne et qui rit à tout ce qui reluit. Avez-vous observé que mains cercueils de vieilles sont presque aussi petits que celui d'un enfant? La mort savante met dans ses bières pareilles un symbole d'un goût bizarre et captivant. Et lorsque j'entrevois un fantôme débile traversant de Paris le fourmillant tableau, il me semble toujours que cet être fragile s'en va tout doucement vers un nouveau berceau. À moins que, méditant sur la géométrie, je ne cherche à l'aspect de ses membres discords combien de fois il faut que l'ouvrier varie la forme de la boîte où l'on met tous ses corps. Ses yeux sont des puits faits d'un million de larmes, des creusets qu'un métal refroidi pailleta. Ses yeux mystérieux ont d'invisibles charmes pour celui que l'austère infortune allaita. 2. De l'ancien Frascati, vestale enamourée, prêtresse de Thalie, hélas, dont le souffleur défunt seul sait le nom, célèbre évaporée que Tivoli jadis ombragea dans sa fleur, toute m'énivre. Mais parmi ces êtres frêles, il en est qui, faisant de la douleur un miel, ont dit au dévouement qui leur prêtait ses ailes, hippogriffe puissant, mène-moi jusqu'au ciel. L'une, par sa patrie au malheur exercé, l'autre, que son époux surchargea de douleur, l'autre, par son enfant madone transpercée,

on voit, ce qui rend plus complètes ces mystérieuses horreurs, bêchant comme des laboureurs, des écorchés et des squelettes. 2. De ce terrain que vous fouillez, manants résignés et funèbres, de tout l'effort de vos vertèbres ou de vos muscles dépouillés, dites, quelle moisson étrange, forçats arrachés aux charniers, tirez-vous, et de quel fermier avez-vous à remplir la grange? Voulez-vous, d'un destin trop dur, épouvantable et clair emblème, montrer que dans la fosse même, le sommeil promis n'est pas sûr? Qu'envers vous le néant est traître, que tout, même la mort, nous ment, et que sempiternellement, hélas, il nous faudra peut-être, dans quelques pays inconnus, écorcher la terre revêche et pousser une lourde bêche sous notre pied sanglante et nue. 97. Le crépuscule du soir. Voici le soir charmant, ami du criminel. Il vient comme un complice, à pas de loup. Le ciel se ferme lentement comme une grande alcôve, et l'homme impatient se change en bête fauve. Ô soir, aimable soir, désiré par celui dont les bras, sans mentir, peuvent dire « Aujourd'hui nous avons travaillé ». C'est le soir qui soulage les esprits, que dévore une douleur sauvage, le savant obstiné dont le front s'alourdit, et l'ouvrier courbé qui regagne son lit. Cependant, des démons malsains dans l'atmosphère s'éveillent lourdement, comme des gens d'affaires, et cognent en volant les volets et l'auvent. À travers les lueurs que tourmente le vent, la prostitution s'allume dans les rues. Comme une fourmilière, elle ouvre ses issues. Partout, elle se fraye un occulte chemin, ainsi que l'ennemi qui tente un coup de main. Elle remue au sein de la cité de Fange, comme un ver qui dérobe à l'homme ce qu'il mange. On entend çà et là les cuisines siffler, les théâtres glapir, les orchestres ronfler. Les tables d'hôtes, dont le jeu fait les délices, s'emplissent de catins et d'escrocs, leurs complices, et les voleurs qui n'ont ni trêve ni merci vont bientôt commencer leur travail, eux aussi, et forcer doucement les portes et les caisses pour vivre quelques jours et vêtir leur maîtresse. Recueille-toi, mon âme, en ce grave moment, et ferme ton oreille à ce rugissement. C'est l'heure où les douleurs des malades s'aigrissent, la sombre nuit les prend à la gorge, ils finissent leur destinée et vont vers le gouffre commun. L'hôpital se remplit de leurs soupirs, plus d'un ne viendra plus chercher la soupe parfumée au coin du feu le soir, auprès d'une âme aimée. Encore la plupart n'ont-ils jamais connu la douceur du foyer et n'ont jamais vécu. 98. Le jeu. Dans des fauteuils fanés des courtisanes vieilles, pâles, le sourcil peint, l'œil câlin et fatal, minaudant et faisant de leurs maigres oreilles tomber un cliquetis de pierre et de métal. Autour des tapis verts des visages sans lèvres, des lèvres sans couleur, des mâchoires sans dents et des doigts convulsés d'une infernale fièvre fouillant la poche vide ou le sein palpitant. Sous de sales plafonds, un rang de pâles lustres et d'énormes quinquets projetant leurs lueurs sur des fronts ténébreux de poètes illustres qui viennent gaspiller leurs sanglantes sueurs. Voilà le noir tableau qu'en un rêve nocturne je vis se dérouler sous mon œil clairvoyant. Moi-même, dans un coin de l'antre taciturne, je me vis accoudé, froid, muet, enviant de ces gens la passion tenace, de ces vieilles putains la funèbre gaieté, et tous gaillardement trafiquant à ma face l'un de son vieil honneur, l'autre de sa beauté. Et mon cœur s'effraya d'envier maint pauvre homme courant avec ferveur à l'abîme béant, et qui, sous de son sang, préférerait en somme la douleur à la mort et l'enfer au néant. 99. Danse macabre. À Ernest Christophe. Fier, autant qu'un vivant, de sa noble stature, avec son gros bouquet, son mouchoir et ses gants, elle a la nonchalance et la désinvolture d'une coquette maigre, aux airs extravagants. Vit-on jamais au bal une taille plus mince ? Sa robe exagérée en sa royale ampleur s'écroule abondamment sur un pied sec que pince un soulier pomponné, joli comme une fleur. La ruche qui se joue au bord des clavicules, comme un ruisseau lascif qui se frotte au rocher, défend pudiquement des lazis ridicules les funèbres appâts qu'elle tient à cacher. Ses yeux profonds sont faits de vide et de ténèbres, et son crâne, de fleurs artistement coiffées, oscille mollement sur ses frêles vertèbres, ô charme d'un néant follement attifé. Aucun t'appelleront une caricature qui ne comprenne pas, amants ivres de chair, l'élégance sans nom de l'humaine armature. Tu réponds, grand squelette, à mon goût le plus cher. Viens-tu troubler avec ta puissante grimace la fête de la vie, ou quelque vieux désir, éperonnant encore ta vivante carcasse, te pousse-t-il crédule au sabbat du plaisir? Au chant des violons, aux flammes des bougies, espères-tu chasser ton cauchemar moqueur, et viens-tu demander au torrent des orgies de rafraîchir l'enfer allumé dans ton cœur? Inépuisable puits de sottises et de fautes, de l'antique douleur éternelle alambique, à travers le treillis recourbé de tes côtes, je vois, errant encore, l'insatiable aspic. Pour dire vrai, je crains que ta coquetterie ne trouve pas un prix digne de ses efforts. Qui de ces cœurs mortels entend la raillerie? Les charmes de l'horreur n'énivrent que l'effort. Le gouffre de tes yeux, plein d'horribles pensées, exhale le vertige. Et les danseurs prudents ne contempleront pas sans d'amères nausées le sourire éternel de tes 32 dents. Pourtant, qui n'a serré dans ses bras un squelette, et qui ne s'est nourri des choses du tombeau? Qu'importe le parfum, l'habit ou la toilette, qui fait le dégoûté montre qu'il se croit beau. Bayadère s'en est, irrésistible gouge. Dis donc à ces danseurs qui font les offusqués, fier mignon, malgré l'art des poudres et du rouge, vous sentez tous la mort. Ô squelette musqué, Antinéus flétri, dandys à face glabre, cadavre vernissé, Lovelace chenu, le branle universel de la danse macabre vous entraîne en des lieux qui ne sont pas connus. Des quais froids de la Seine au bord brûlant du Gange, le troupeau mortel saute et se pâme, sans voir dans un trou du plafond la trompette de l'ange, sinistrement béante, ainsi qu'un tromblon noir. En tout climat, sous ton soleil, la mort t'admire en tes contorsions, risible humanité. Et souvent, comme toi, ce parfumant de myrrhe mêle son ironie à son insanité. 100. L'amour du mensonge. Quand je te vois passer, ô ma chère indolente, au chant des instruments qui se brisent au plafond, suspendant ton allure harmonieuse et lente et promenant l'ennui de ton regard profond, quand je contemple, au feu du gaz qui le colore, ton front pâle, embelli par un morbide attrait, où les torches du soir allument une aurore et tes yeux attirants comme ceux d'un portrait, je me dis qu'elle est belle et bizarrement fraîche. Le souvenir massif, royal et lourd de tour, la couronne et son cœur meurtri comme une pêche et mûre, comme son corps pour le savant amour. Es-tu le fruit d'automne aux saveurs souveraines? Es-tu vase funèbre attendant quelques pleurs, parfum qui fait rêver aux oasis lointaines, oreiller caressant ou corbeille de fleurs? Je sais qu'il est des yeux, des plus mélancoliques, qui ne recèlent point de secrets précieux, beaux écrins sans joyaux, médaillons sans reliques, plus vides, plus profonds que vous-même, ô cieux. Mais ne suffit-il pas que tu sois l'apparence pour réjouir un cœur qui fuit la vérité? Qu'importe ta bêtise ou ton indifférence, masque ou décor, salut. J'adore ta beauté.

même au bas du ciel, pour illuminer ses prodiges qui brillaient d'un feu personnel. Et sur ces mouvantes merveilles planaient, terrible nouveauté, tout pour l'œil, rien pour les oreilles, un silence d'éternité. 2. En rouvrant mes yeux pleins de flammes, j'ai vu l'horreur de mon taudis, et senti, rentrant dans mon âme, la pointe des soucis maudits. La pendule aux accents funèbres sonnait brutalement midi, et le ciel versait des ténèbres sur ce triste monde engourdi. 105. Le crépuscule du matin. La Diane chantait dans les cours des casernes, et le vent du matin soufflait sur les lanternes. C'était l'heure où les seins des rêves malfaisants tordent sur leurs oreillers les bruns adolescents, où, comme un œil sanglant qui palpite et qui bouge, la lampe sur le jour fait une tache rouge, où l'âme, sous le poids du corps revêche et lourd, imite les combats de la lampe et du jour. Comme un visage en pleurs que les brises essuient, l'air est plein du frisson des choses qui s'enfuient, et l'homme est là d'écrire, et la femme d'aimer. Les maisons çà et là commençaient à fumer, les femmes de plaisir, la paupière livide, bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide. Les pauvresses, traînant leurs seins maigres et froids, soufflaient sur leurs tisons et soufflaient sur leurs doigts. C'était l'heure où, parmi le froid et la lésine, s'aggravent les douleurs des femmes angésines, comme un sanglot coupé par un sang écumeux, le chant du coq au loin déchirait l'air brumeux. Une mer de brouillard baignait les édifices, et les agonisants dans le fond des hospices poussaient leurs derniers râles en hoquets inégaux. Les débauchés rentraient, brisés par leurs travaux. L'aurore grelottante en robe rose et verte s'avançait lentement sur la Seine déserte, et le sombre Paris, en se frottant les yeux, empoignait ses outils, vieillard laborieux. 106. L'âme du vin. Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité, sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, un champ plein de lumière et de fraternité. Je sais combien il faut sur la colline en flamme de peine, de sueur et de soleil cuisant pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme, mais je ne serai point ingrat ni malfaisant. Car j'éprouve une joie immense quand je tombe dans le gosier d'un homme usé par ses travaux, et sa chaude poitrine est une douce tombe où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. Entends-tu retentir les refrains des dimanches, et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant? Les coudes sur la table, et retroussant tes manches, tu me glorifieras, et tu seras content. J'allumerai les yeux de ta femme ravie, à ton fils je rendrai sa force et ses couleurs, je serai pour ce frêle athlète de la vie l'huile qui raffermit les muscles des lutteurs. En toi je tomberai, végétal ambroisie, grain précieux jeté par l'éternel semeur, pour que de notre amour naisse la poésie qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur. 107. Le vin des chiffonniers. Souvent, à la clarté rouge d'un réverbère, dont le vent bat la flamme et tourmente le verre, au cœur d'un vieux faubourg, labyrinthe fangeux où l'humanité grouille en ferments orageux, on voit un chiffonnier qui vient, hochant la tête, butant et se cognant au mur comme un poète. Et, sans prendre souci des mouchards, ses sujets épanchent tout son cœur en glorieux projets. Il prête des serments, dicte des lois sublimes, terrasse les méchants, relève les victimes, et sous le firmament, comme un dais suspendu, s'enivre des splendeurs de sa propre vertu. Oui, ces gens harcelés de chagrin de ménage, moulus par le travail et tourmentés par l'âge,

stériles voluptés, les filles aux yeux creux de leur corps amoureuse caressent les fruits mûrs de leur nubilité. Lesbos, terre des nuits chaudes et langoureuses, laisse du vieux Platon se froncer l'œil austère. Tu tires ton pardon de l'excès des baisers, reine du doux empire, aimable et noble terre, et des raffinements toujours inépuisés. Laisse du vieux Platon se froncer l'œil austère, tu tires ton pardon de l'éternel martyr, infligé sans relâche aux cœurs ambitieux, qu'attire loin de nous le radieux sourire, entrevu vaguement au bord des autres cieux. Tu tires ton pardon de l'éternel martyr. Qui des dieux osera, Lesbos, être ton juge et condamner ton front pâli dans les travaux, si ces balances d'or n'ont pesé le déluge de larmes qu'à la mer ont versé tes ruisseaux? Qui des dieux osera, Lesbos, être ton juge? Que nous veulent les lois du juste et de l'injuste, vierges au cœur sublime, honneur de l'archipel? Votre religion comme une autre est auguste, et l'amour se rira de l'enfer et du ciel. Que nous veulent les lois du juste et de l'injuste? Car Lesbos entre tous m'a choisi sur la terre pour chanter le secret de ces vierges en fleurs, et je fus dès l'enfance admis au noir mystère des rires effrénés mêlés aux sombres pleurs. Car Lesbos entre tous m'a choisi sur la terre, et depuis lors je veille au sommet de l'Eucate comme une sentinelle à l'œil perçant et sûr qui guette nuit et jour briques, tartanes ou frégates dont les formes au loin frissonnent dans l'azur. Et depuis lors, je veille au sommet de l'Eucate pour savoir si la mer est indulgente et bonne. Et parmi les sanglots dont le roc retentit, un soir ramènera vers Lesbos qui pardonne le cadavre adoré de Sappho qui partit pour savoir si la mer est indulgente et bonne. De la mâle Sappho, l'amante et le poète, plus belle que Vénus par ses mornes pâleurs, l'œil d'azur est vaincu par l'œil noir que t'achète le cercle ténébreux tracé par les douleurs de la mâle Sappho, l'amante et le poète. Plus belle que Vénus se dressant sur le monde et versant les trésors de sa sérénité et le rayonnement de sa jeunesse blonde sur le vieil océan de sa fille enchantée. Plus belle que Vénus se dressant sur le monde. De Sappho qui mourut le jour de son blasphème quand, insultant le rite et le culte inventé, elle fit son beau corps la pâture suprême d'un brutal dont l'orgueil punit l'impiété. De Sappho qui mourut le jour de son blasphème. Et c'est depuis ce temps que Lesbos se lamente, et malgré les honneurs que lui rend l'univers, s'énivre chaque nuit du cri de la tourmente que poussent vers les cieux ses rivages déserts. Et c'est depuis ce temps que Lesbos se lamente. CXIV. Femme damnée, Delphine et Hippolyte. À la pâle clarté des lampes languissantes, sur de profonds coussins tout imprégnés d'odeur, Hippolyte rêvait aux caresses puissantes qui levaient le rideau de sa jeune candeur. Elle cherchait d'un œil troublé par la tempête, de sa naïveté le ciel déjà lointain, ainsi qu'un voyageur qui retourne la tête vers les horizons bleus, dépassé le matin. De ses yeux amortis, les paresseuses larmes, l'air brisé, la stupeur, la morne volupté, ses bras vaincus, jetés comme de vaines armes, tout servait, tout paraît sa fragile beauté. Étendue à ses pieds, calme et pleine de joie, Delphine la couvait avec des yeux ardents. Comme un animal fort qui surveille une proie après l'avoir d'abord marquée avec les dents. Beauté forte, à genoux devant la beauté frêle, superbe, elle humait voluptueusement le vin de son triomphe et s'allongeait vers elle comme pour recueillir un doux remerciement. Elle cherchait dans l'œil de sa pâle victime le cantique muet que chante le plaisir et cette gratitude, infinie et sublime, qui sort de la paupière ainsi qu'un long soupir. Hippolyte, cher cœur, que dis-tu de ces choses? Comprends-tu maintenant qu'il ne faut pas offrir l'holocauste sacré de tes premières roses au souffle violent qui pourrait les flétrir? Mes baisers sont légers comme ces éphémères qui caressent le soir les grands lacs transparents, et ceux de ton amant creuseront leurs ornières comme des chariots ou des socs déchirants. Ils passeront sur toi comme un lourd attelage de chevaux et de bœufs aux sabots sans pitié. Hippolyte, ô ma sœur, tourne donc ton visage, toi, mon âme et mon cœur, mon tout et ma moitié. Tourne vers moi tes yeux pleins d'azur et d'étoiles, pour un de ces regards charmants, baume divin, des plaisirs plus obscurs je lèverai les voiles et je t'endormirai dans un rêve sans fin. Mais Hippolyte, alors, levant sa jeune tête, « Je ne suis point ingrate et ne me repens pas, ma Delphine. Je souffre et je suis inquiète, comme après un nocturne et terrible repas. Je sens fondre sur moi de lourdes épouvantes et de noirs bataillons de fantômes épars qui veulent me conduire en des routes mouvantes qu'un horizon sanglant ferme de toutes parts. Avons-nous donc commis une action étrange ? Explique, si tu peux, mon trouble et mon effroi. Je frissonne de peur quand tu me dis « mon ange », et cependant, je sens ma bouche aller vers toi. Ne me regarde pas ainsi, toi, ma pensée, toi que j'aime à jamais, ma sœur d'élection, quand même tu serais une embûche dressée et le commencement de ma perdition. Delphine, secouant sa crinière tragique et comme trépignant sur le trépied de fer, l'œil fatal, répondit d'une voix despotique « Qui donc, devant l'amour, ose parler d'enfer ? Maudit soit à jamais le rêveur inutile qui voulut le premier, dans sa stupidité, s'éprenant d'un problème insoluble et stérile, aux choses de l'amour mêler l'honnêteté. Celui qui veut unir dans un accord mystique l'ombre avec la chaleur, la nuit avec le jour, ne chauffera jamais son corps paralytique à ce rouge soleil que l'on nomme l'amour. Va, si tu veux, chercher un fiancé stupide, cours offrir un cœur vierge à ses cruels baisers, et, pleine de remords et d'horreur, et livide, tu me rapporteras tes seins stigmatisés. On ne peut ici-bas contenter qu'un seul maître. » Mais l'enfant, épanchant une immense douleur, cria soudain « Je sens s'élargir dans mon être un abîme béant. Cet abîme est mon cœur. » Brûlant comme un volcan, profond comme le vide, rien ne rassasira ce monstre gémissant et ne rafraîchira la soif de l'Euménide, qui, la torche à la main, le brûle jusqu'au sang. Que nos rideaux fermés nous séparent du monde et que la lassitude amène le repos. Je veux m'anéantir dans ta gorge profonde et trouver sur ton sein la fraîcheur des tombeaux. Descendez, descendez, lamentable victime. Descendez le chemin de l'enfer éternel, plongez au plus profond du gouffre, où tous les crimes, flagellés par un vent qui ne vient pas du ciel, bouillonnent pêle-mêle avec un bruit d'orage. Ombre folle, courez au but de vos désirs, jamais vous ne pourrez assouvir votre rage et votre châtiment naîtra de vos plaisirs. Jamais un rayon frais n'éclaira vos cavernes. Par les fentes des murs, des miasmes fiévreux filent en s'enflammant ainsi que des lanternes et pénètrent vos corps de leurs parfums affreux. L'âpre stérilité de votre jouissance altère votre soif et roidit votre peau, et le vent furibond de la concupiscence fait claquer votre chair ainsi qu'un vieux drapeau. Loin des peuples vivants, errantes, condamnées, à travers les déserts courez comme les loups, faites votre destin à âme désordonnée et fuyez l'infini que vous portez en vous. XV. Femme damnée. Comme un bétail pensif sur le sable couché, elles tournent leurs yeux vers l'horizon des mers, et leurs pieds se cherchant et leurs mains rapprochées ont de douces langueurs et des frissons amers. Les unes, cœurs épris des longues confidences dans le fond des bosquets où jasent les ruisseaux, vont, épelant l'amour des craintives enfances, et creusent le bois vert des jeunes arbrisseaux. D'autres, comme des sœurs, marchent lentes et graves à travers les rochers pleins d'apparitions, où saint Antoine a vu surgir, comme des laves, les seins nus et pourprés de ses tentations.

et s'asseoir. C'est un ange qui tient dans ses doigts magnétiques le sommeil et le don des rêves extatiques et qui refait le lit des gens pauvres et nus. C'est la gloire des dieux, c'est le grenier mystique, c'est la bourse du pauvre et sa patrie antique, c'est le portique ouvert sur les cieux inconnus. CXXVIII. La mort des artistes. Combien faut-il de fois secouer mes grelots et baiser ton front bas, morne caricature ? Pour piquer dans le but de mystique nature, combien, ô mon carquois, perdre de javelots ? Nous userons notre âme en de subtils complots et nous démolirons maintes lourdes armatures avant de contempler la grande créature dont l'infernal désir nous remplit de sanglots. Il en est qui jamais n'ont connu leur idole, et ces sculpteurs damnés et marqués d'un affront, qui vont se martelant la poitrine et le front, n'ont qu'un espoir, étrange et sombre Capitole, c'est que la mort, planant comme un soleil nouveau, fera s'épanouir les fleurs de leur cerveau. CXXIX. La fin de la journée. Sous une lumière blafarde, court, danse et se tord sans raison la vie, impudente et criarde. Aussi, sitôt qu'à l'horizon la nuit voluptueuse monte, apaisant tout, même la faim, effaçant tout, même la honte, le poète se dit « Enfin !» Mon esprit, comme mes vertèbres, invoque ardemment le repos. Le cœur plein de songes funèbres, je vais me coucher sur le dos, et me rouler dans vos rideaux, ô rafraîchissantes ténèbres. CXXX. Le rêve d'un curieux. À F. N. Connais-tu comme moi la douleur savoureuse, et de toi fais-tu dire, ô l'homme singulier ? J'allais mourir. C'était dans mon âme amoureuse, désir mêlé d'horreur, un mal particulier. Angoisse et vif espoir, sans humeur factieuse, plus allait se vidant le fatal sablier, plus ma torture était âpre et délicieuse. Tout mon cœur s'arrachait au monde familier. J'étais comme l'enfant avide du spectacle, haïssant le rideau comme on hait un obstacle. Enfin, la vérité froide se révéla. J'étais mort sans surprise. Et la terrible aurore m'enveloppait. Eh, quoi, n'est-ce donc que cela ? La toile était levée, et j'attendais encore. CXXXI. Le voyage. À Maxime Ducamp. 1. Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes. Aux yeux du souvenir, que le monde est petit. Un matin, nous partons, le cerveau plein de flammes, le cœur gros de rancunes et de désirs amers, et nous allons, suivant le rythme de la lame, berçant notre infini sur le fini des mers. Les uns, joyeux de fuir une patrie infâme, d'autres, l'horreur de leur berceau, et quelques-uns, astrologues noyés dans les yeux d'une femme, la Circé tyrannique au dangereux parfum. Pour n'être pas changés en bêtes, ils s'enivrent d'espace et de lumière et de cieux embrasés, la glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent, effacent lentement la marque des baisers. Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir. Cœurs légers, semblables aux ballons, de leur fatalité jamais ils ne s'écartent, et sans savoir pourquoi, disent toujours « Allons ». Ceux-là dont les désirs ont la forme des nus et qui rêvent, ainsi qu'un conscrit le canon, de vastes voluptés, changeantes, inconnues, et dont l'esprit humain n'a jamais su le nom. 2. Nous imitons, horreur, la toupie et la boule, dans leur valse et leur bond, même dans nos sommeils, la curiosité nous tourmente et nous roule, comme un ange cruel qui fouette des soleils. Singulière fortune où le but se déplace, et n'étant nulle part, peut-être n'importe où, où l'homme, dont jamais l'espérance n'est lasse, pour trouver le repos court toujours comme un fou. Notre âme est un trois-mâts cherchant son Icarie. Une voix retentit sur le pont. « Ouvre l'œil !» Une voix de la une, ardente et folle, crie « Amour, gloire, bonheur !» Enfer, c'est un écueil. Chaque îlot, signalé par l'homme de vigie, est un Eldorado promis par le destin. L'imagination qui dresse son orgie ne trouve qu'un récif aux clartés du matin. Oh, le pauvre amoureux des pays chimériques, faut-il le mettre au fer, le jeter à la mer, ce matelot ivrogne, inventeur d'Amérique, dont le mirage rend le gouffre plus amer? Tel le vieux vagabond piétinant dans la boue, rêve, le nez en l'air de brillants paradis, son œil ensorcelé découvre une capoue, partout où la chandelle illumine un taudis. 3. Étonnant voyageur, quelles nobles histoires nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, ces bijoux merveilleux faits d'astres et d'éther. Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile, faites pour égayer l'ennui de nos prisons, passer sur nos esprits, tendus comme une toile, vos souvenirs avec leur cadre d'horizon. Dites, qu'avez-vous vu? 4. Nous avons vu des astres et des flots, nous avons vu des sables aussi. Et malgré bien des chocs et d'imprévus désastres, nous nous sommes souvent ennuyés, comme ici. La gloire du soleil sur la mer violette, la gloire des cités dans le soleil couchant, allumait dans nos cœurs une ardeur inquiète de plonger dans un ciel aux reflets alléchants. Les plus riches cités, les plus grands paysages, jamais ne contenaient l'attrait mystérieux de ceux que le hasard fait avec les nuages, et toujours le désir nous rendait soucieux. La jouissance ajoute au désir de la force. Désir, vieil arbre à qui le plaisir sert d'engrais, cependant que grossit et durcit ton écorce, tes branches veulent voir le soleil de plus près. Grandiras-tu toujours, grand arbre plus vivace que le cyprès? Pourtant nous avons, avec soin, cueilli quelques croquis pour votre album vorace, frère qui trouvait beau tout ce qui vient de loin. Nous avons salué des idoles à trompe, des trônes constellés de joyaux lumineux, des palais ouvragés dont la féerique pompe serait pour vos banquiers un rêve ruineux. Des costumes qui sont pour les yeux une ivresse, des femmes dont les dents et les ongles sont teints, et des jongleurs savants que le serpent caresse. 5. Et puis encore. 6. Ô cerveaux enfantins, pour ne pas oublier la chose capitale, nous avons vu partout, et sans l'avoir cherché, du haut jusque en bas de l'échelle fatale, le spectacle ennuyeux de l'immortel péché. La femme, esclave vile, orgueilleuse et stupide, sans rire s'adorant et s'aimant sans dégoût. L'homme, tyran goulu, paillard, dur et cupide, esclave de l'esclave et ruisseau dans l'égout. Le bourreau qui jouit, le martyr qui sanglote, la fête qu'assaisonne et parfume le sang, le poison du pouvoir énervant le despote et le peuple amoureux du fouet abrutissant. Plusieurs religions semblables à la nôtre, toutes escaladant le ciel, la sainteté comme en un lit de plumes indélicat se vautre dans les clous et le crin, cherchant la volupté. L'humanité bavarde, ivre de son génie, et folle maintenant comme elle était jadis, criant à Dieu dans sa furibonde agonie, « Ô mon semblable, ô mon maître, je te maudis !» Et les moinceaux, hardis amants de la démence, fuyant le grand troupeau parqué par le destin et se réfugiant dans l'opium immense, tel est du globe entier l'éternel bulletin. 7. Amer savoir celui qu'on tire du voyage. Le monde monotone et petit, aujourd'hui, hier, demain,